نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous avions fini la semaine dernière non seulement la prière mais aussi tout ce qui se rapporte aux prosternations dites de distraction. Toujours des sahwi. Nous avons évoqué les cas lorsque la personne prie toute seule, ou alors lorsqu'elle est imam. Il nous restera un cas à traiter lorsqu'elle est derrière, c'est-à-dire lorsqu'elle est dirigée par l'imam. On en parlera lorsque nous traiterons de Bab al-Imama, le chapitre de l'imam. Ceci étant dit, l'auteur du livre, après ceci, dit ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة وعليكم السلام. Donc il dit ici, il est légiféré et sunna qu'il se prosterne pour la lecture du Coran, on va voir à quoi ça renvoie, et doit se prosterner aussi celui qui écoute cette lecture. Que ça soit dans la prière ou en dehors de la prière, de même il se prosterne lorsque des bienfaits viennent sur lui, ou il est touché par des bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou alors lorsqu'Allah repousse de lui des préjudices. Alors, il se prosterne par reconnaissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit enfin, le statut de la prosternation de la reconnaissance est comparable à celui de la récitation. Par ceci, il finit le chapitre. Donc ici, le cours d'aujourd'hui, barakallahu fikum, il va se porter sur, principalement, ce qu'on appelle, sujud tilawa, la prosternation de la récitation. Pour ceci, on va étudier 12 points. Parmi ces 12 points, on verra qu'il y a des choses qui font objet d'unanimité chez les savants, d'autres qui sont objets à divergence ou sujets à divergence. Et Inch'Allah, normalement, on aura cerné le problème de sujud et-tilawa, c'est-à-dire la prosternation de la récitation. Premièrement, lorsqu'on étudie un principe dans le fiqh, on regarde toujours son statut juridique, hukmuhu. Ma huwa hukmuhu. Hukmu sujud et-tilawa. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est seulement permis? Que c'est interdit. Donc on va se poser la question, Inch'Allah. Les savants ont divergé concernant son statut religieux en deux avis. Le premier, ils disent que elle est obligatoire. Autrement dit, dès lors que j'entends un verset où ils nous ont demandé de nous prosterner, ou alors que je lis ce verset, que je sois dans la prière ou en dehors de la prière, je me prosterne. Mutlaqan. Ça c'est l'avis de l'imam Abi Hanifa, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, une des versions de l'imam Ahmed, et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah aussi, considère cet avis, où il voit l'obligation de se prosterner. Le deuxième avis, c'est ceux qui disent que c'est seulement recommandé, l'istihbab. Et ça, c'est la majorité des savants. Minhum, l'imam Malik, l'imam Shafiri, ou l'Auza'i, et parmi les compagnons, Omar, Wabn Omar, Wabn Abbas, et d'autres, pour ne citer que. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ils s'appuient sur le verset coranique suivant. وَإِذَا قُلِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et lorsque le Coran leur est récité, ils ne se prosternent pas. في سورة الانشقاق. Sur la base de ce verset, ils disent un blâme qui vient d'Allah est forcément lié au délaissement d'une obligation ou l'accomplissement d'un interdit. Soit l'un, soit l'autre. C'est une qaïda, effectivement. Lorsqu'Allah blâme une personne ou un groupe de personnes dans le Coran, c'est soit qu'ils ont délaissé un acte obligatoire, soit qu'ils ont commis un interdit. Donc ils disent ici, Allah a blâmé ceux qui ne se prosternent pas lorsque le Coran est récité. Donc, il les a blâmés pour quelque chose qui est obligatoire. Sur la base de ceci, ils disent que se prosterner lorsqu'on entend le Coran dans les endroits précis, les 15 endroits qu'on verra inchallah, dans ce cas-là, ils disent que c'est obligatoire. Et tous les versets qui se rapportent comme ça, lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, fasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur. C'est un ordre religieux. Donc, on en déduit l'obligation. Ceux qui disent que c'est seulement recommandé, comment ils répondent à ceci? Ils disent, en fait, lorsqu'Allah dit tabaraka wa ta'ala, wa idha quri'a alayhim al-Qur'an wa la yasjudun, et lorsqu'on leur récite les versets du Qur'an, ils ne se prosternent pas. Ça, c'est pour celui qui ne se prosterne pas, istikbaran, par orgueil, par entêtement, par mécréance. N'est pas concerné par ce verset, celui qui ne se prosterne pas, en reconnaissant le bienfait de la prosternation. Donc ici, le khitab, le discours, il est adressé à qui? Aux mécréants, pas aux musulmans. Effectivement, c'est le cas. Ils ne se prosternent pas, istikbaran, c'est-à-dire par orgueil. Ils ne posent pas leur front par terre, comme on avait déjà expliqué ceci. Donc ce verset-là ne vient pas parler des musulmans qui ne se prosternent pas lorsqu'Allah leur demande de se prosterner dans le Coran, à des endroits précis. Deuxièmement, il y a des hadiths qu'on va voir, Inch'Allah, qui sont clairs de sens où cette prosternation, elle n'est pas obligatoire. Parmi ceux-ci, il y a Omar ibn al-Khattab qui était sur le minbar durant le Jumu'ah. Il a récité la sourate Al-Nahl, numéro 16. Et lorsque est venue la prosternation, parce qu'il y a une prosternation dans cette sourate, il est descendu du minbar et il a fait une prosternation. Puis il est remonté. La semaine d'après, il a lu la même sourate. Mais cette fois-ci, il n'est pas descendu et il ne s'est pas prosterné. Et il a dit, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, cette parole, Allah nous ordonne de nous prosterner, que celui qui veut se prosterner se prosterne, et que celui qui ne veut pas se prosterner ne se prosterne pas. Le hadith, il est authentique. Il est relativement clair de sens. Un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, lorsqu'il lisait pour le prophète, surat al-Najm, 53, et à la fin de cette sourate, il y a une prosternation. Et là, Zayd ibn Thabit, qui lisait, et le prophète écoutait la récitation, il ne s'est pas prosterné. Le prophète ne s'est pas prosterné non plus. Et ne l'a pas repris sur ceci. Ce qui prouve que cette prosternation n'est pas obligatoire, elle est seulement recommandée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comment elle est, quelle est sa modalité? Elle se compose d'une seule prosternation, pas deux, ni trois, ni quatre, une seule. Sur le même modèle que la prosternation que l'on fait dans la prière. C'est-à-dire en posant ses sept membres sur le sol, comme on l'a vu la semaine dernière. Amrana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastura ala sab'ati ardhum. Le prophète nous a ordonné de nous prosterner sur sept membres. Donc il a pointé son front avec son nez. Wal anfu ma'al jabhati wal yadayni. Et les deux bouts des pieds, les deux genoux, les deux mains et le front avec le nez. Ça c'est un. Deux, de la même manière que l'on se prosterne dans la prière. Trois, en disant Allahu Akbar, que l'on soit dans la prière ou que l'on soit à l'extérieur de la prière. Je m'explique. Dans la prière par exemple, une personne, l'imam, il est en train de prier, il est en train de réciter le Coran, il passe à un moment où il faut se prosterner. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar et il part en prosternation. Les gens derrière, qui sont obligés de suivre l'imam, font la même chose que lui. Non, ils n'ont pas le droit de rester debout en attendant que l'imam fasse cette prosternation. Ils le suivent en disant Allahu Akbar. Puis lorsqu'il se relève, il dit Allahu Akbar. Rappelez-vous, le fait de changer de position dans la prière nécessite un takbir. Rappelez-vous. Takbir tout l'intiqal. Quand on est en dehors de la prière maintenant, on dit Allahu Akbar seulement lorsqu'on descend. Car ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, dès lors qu'on remonte, il n'y a pas de takbir à faire. Et encore moins de taslim. On ne dit pas Allahu Akbar ni Salamu Alaikum. On se relève tout simplement. Différenciez bien les deux situations, la personne qui est dans la prière et la personne qui est en dehors de la prière. Celle qui est dans la prière, il dit Allahu Akbar en descendant et en se relevant. Lorsqu'il est en dehors de la prière, il dit seulement Allahu Akbar lorsqu'il descend. Donc ça c'est corroboré par de nombreux hadiths, notamment le hadith de Walid ibn Hujr qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi ma'a at-takbiri yukabbiru kullama khafada wa rafa'. À chaque fois qu'il descendait ou il se relevait, le prophète disait Allahu Akbar. Ça c'est dans la prière. Autre question concernant cette prosternation, est-ce que les ablutions sont conditionnées? Les ablutions ou la pureté rituelle d'une manière générale. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas les ablutions se prosterne? Est-ce que celui à plus forte raison qui est en état d'impureté rituelle majeure, al-janaba, est-ce qu'il se prosterne? Question sur laquelle aussi ont divergé les savants. Non. Il y a deux grands avis sur cette question. On va même dire trois. Le premier, c'est que la purification rituelle pour la prosternation est conditionnée. Elle est demandée obligatoirement. Tout simplement parce qu'ils considèrent, ceux qui disent ça, ils considèrent que cette prosternation est une prière à part entière. Puisque la pureté rituelle est conditionnée pour la prière, elle est de même pour cette prosternation. Non seulement ils doivent être en état de pureté rituelle, à la tahara, mais aussi ils doivent se diriger vers la qibla, et ils doivent cacher leur nudité, celle qu'on leur demande de cacher dans la prière. Ça, c'est le premier avis, et c'est un avis qui est très majoritaire. Deuxième avis, c'est un avis qui est minoritaire, ce n'est pas conditionné. Tout simplement qu'elles disent que cette prosternation n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ça, c'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas une prière, donc on n'a pas besoin de faire les ablutions ou d'être en état de pureté. On n'est pas obligé de se diriger vers la qibla. On n'est pas obligé de cacher sa nudité, ça c'est surtout pour les femmes. Est-ce qu'elles se prosternent avec le voile ou non? Avec quelque chose sur leur tête ou non? Donc, la divergence, elle tient sur quoi, les frères? Elle tient sur le fait de considérer cette prosternation comme une prière ou non. Si on la considère comme une prière, alors on va ramener toutes les conditions nécessaires que l'on ramènerait pour une prière afin qu'elle soit valide. Si on la considère pas comme une prière, alors dans ce cas-là, on a une largesse. Il y a un troisième avis que j'ai voulu vous ramener, c'est l'avis de, entre autres, de Cheikh Athaymi dans notre époque, qui dit, pour sortir de la divergence, et c'est ce qui est le plus précautionneux, RTA, on se prosterne en ayant les ablutions. Pourquoi? Alors il a une argumentation sur la féminine. Il dit, et il fait le parallèle avec l'autre prosternation qu'on va voir tout à l'heure, c'est celle de la reconnaissance. Il dit, lorsque la personne elle est en train de réciter le Coran. Donc il a choisi ce moment pour réciter le Coran. Du fait qu'il a choisi ce moment, il va être amené à passer devant des versets, justement, qui te demande de te prosterner. Donc, si c'est un moment qui est choisi, la personne, elle a le temps de se mettre en condition, donc de faire ses ablutions. Contrairement à l'autre prosternation, sujud al-shukr, qui, elle, vient instantanément suivant l'état dans lequel tu es. Par exemple, un bienfait, où tu apprends une bonne nouvelle, ou un bienfait qui te touche, alors tu vas pas attendre de faire tes ablutions, dans l'état, tu te prosternes. Ou alors, Allah t'a préservé d'un mal, dans l'état, tu te prosternes. Donc, elle est soudaine, contrairement à l'autre où la personne elle s'est préparée pour ça. Donc, dans la première, c'est demandé, RTA, par précaution, alors que le choc, ce n'est pas demandé. Ça, c'est l'avis de Charles Athémy. Certains savants, comme Charles Blebèze aussi, considèrent que pour sortir de la divergence, il vaut mieux la faire en état de pureté et de se diriger vers la Qibla, et de cacher sa nudité. Donc, pour les femmes, de couvrir tout son corps, sauf le visage et les mains, comme ceci est connu dans la prière. Autre problématique. Quelqu'un qui est en train de marcher ou quelqu'un qui est sur sa monture. Est-ce qu'on lui demande s'il entend ou s'il récite un verset qui lui demande de se prosterner? Est-ce qu'il doit descendre et s'arrêter et se prosterner? Ou alors il lui est permis de se prosterner sur sa monture? Ou alors de se prosterner en marchant? Pour ceci, Ibn Omar a été questionné sur la personne qui est sur sa monture. Et il dit comment il peut se prosterner. Alors, il lui a dit, usjud wa aumi. Usjud, c'est-à-dire prosterne-toi, wa aumi, el ima'u, c'est le fait de d'incliner la tête. Et ça, ça tient lieu de prosternation. Le voyageur qui est sur sa monture, lorsqu'il prie une prière surérogatoire, s'il va appliquer la sunna, qu'est-ce qu'il fait? Il ne descend pas de sa monture. Il reste sur sa monture, il fait sa prière dans l'endroit où sa bête se dirige. Il n'est pas obligé de se déplacer ou de se diriger vers la Qibla, sauf pour le takbiratul ihram. On le verra, inshallah. Mais où sa monture se dirige, il prie dans cette direction. Il fait un recours en se baissant un petit peu et il fait un sujoud en se baissant un peu plus. C'est ce qu'on appelle el-ima, le fait de s'incliner comme ça, ou d'incliner la tête, de hocher la tête. Ça, c'est dans la prière surérogatoire en voyage. De même, ici, dans ce type de prosternation, les savants disent, sur la parole de Ibn Omar, la personne aussi, elle n'est pas obligée de descendre, il fait juste une inclinaison de la tête. Concernant celui qui marche, certains savants considèrent que pour celui qui marche, il a la capacité de pouvoir se prosterner par terre. Donc il se prosterne par terre. Mais il a été rapporté de certains salafs qui, eux aussi, lorsqu'ils marchaient, donc la situation, je vous mets en situation, une personne qui récite comme ça, le Coran, il arrive à ce genre de verset, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choix, soit il se prosterne, soit aussi il peut incliner la tête. Pareil pour le mustami'a. Un mustami'a, c'est celui qui écoute la récitation. Il l'écoute, pas juste celui qui entend, comme ça, à la volée. Il l'écoute, il est attentif, il passe devant un verset. Alors dans ce cas-là, si le récitateur se prosterne, il se prosterne avec lui. S'il incline la tête, il incline la tête avec lui. S'il se prosterne par terre, il se prosterne avec lui. Car le récitateur a le rôle d'imam ici, comme on va le voir. Qu'est-ce que l'on doit dire dans cette prosternation? Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith où le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne se prosterne dans ce genre de prosternation, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, je me prosterne devant celui qui a créé mon ouïe et ma vue sans que je ne fasse le moindre effort ni force de ma part. Donc il peut dire cette doigt. Ou alors, comme l'a dit l'imam Ahmed, lorsqu'il a été questionné sur ce sujet, il a dit, que dis-tu lorsque tu prosternes pour la prosternation de la récitation? Il a dit, je dis Subhana Rabbi al-A'la. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ou alors, les autres do'as qui sont légiférés dans le sujoud. Ou alors, la personne, elle dit ce qu'elle veut, puisque le sujoud, comme l'a dit le prophète, sallallahu amma sujoud, fadu'ullaha fihi, بما تشاءون فقامنون أن يستجاب لكم فقامنون أن يستجاب لكم. Et dans le sujoud, invoquez Allah le Très-Haut et peu s'en faut que vous le soyez exaucé. Donc dans cette prosternation, il est légiféré de dire toutes les doigts qui sont légiférées dans la prière et celles qu'on dit en plus de notre propre chef. Sixième point, celui qui écoute cette prosternation. Certains savants considèrent qu'il se prosterne dans tous les cas, dans toutes les situations. Dès lors qu'il entend, il se prosterne. Qu'il soit attentif à la récitation ou qu'il soit juste de passage comme ça. Comme quelqu'un qui entendrait le Coran récité, il passe là, il l'entend, il se prosterne. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et une version de l'imam Malik. Deuxième avis, il se prosterne seulement si il a il est à l'écoute de la récitation. Il a qasada al-istima'a. Par exemple, quelqu'un vient lire le Coran dans la mosquée, il y a des gens qui sont assis autour de lui, ils écoutent la récitation. À ce moment-là, il arrive à un moment où il doit se prosterner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, bien sûr, il se prosterne avec l'imam. Si l'imam se prosterne. Si et seulement si, comme on dit. Si l'imam ne se prosterne pas, il ne se prosterne pas. Car, comme je l'ai dit, l'imam, ou je l'ai appelé imam, en fait, le récitateur a le rôle d'imam ici. On en déduit, par voie de conséquence, ce qu'on entend dans la radio, ou la télé, ou les cassettes. Un récitateur qui dit, par exemple, Sourate al-Hajj. Dans Sourate al-Hajj, il y a deux endroits où on se prosterne. Il arrive au premier endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prosterne avec lui? Est-ce qu'on se prosterne plutôt lorsqu'on entend ces versets coraniques, ou alors on ne se prosterne pas, sur la base de ce que je viens de vous dire juste avant? Est-ce qu'un imam, il peut être un imam alors que lui il est à Mecca, nous on est ici? Non. Ah, pardon. Non, mais je veux dire, il est dans le rôle de l'imam, quoi. Il est dans le rôle. Mais est-ce qu'on a le droit de prier derrière lui? Non. Imaginons, mais il y a des gens qui le feront. Dans le Talaware, déjà se mettre devant la télé, il prie derrière sous Daisy. J'ai déjà vu ça. Lakin, une des conditions de l'imam, c'est qu'il soit dans le lieu physique où tu es. Même si c'est séparé par un mur, mais au moins tu es dans le même groupe, dans la même jamaa. Le récitateur qui est derrière la radio, ou derrière la télé, ou sur une cassette, c'est pas un imam. Donc, on ne se prosterne pas, barakallahu fikoum. C'est ça le critère de jugement, barakallahu fikoum. Le deuxième avis, il se prosterne. Si et seulement si le lecteur se prosterne, c'est-à-dire qu'il a la légitimité d'être imam. Il peut être imam. Par exemple, si c'est une femme qui lit, est-ce que la femme peut être imam pour un homme? Non, donc il ne se prosterne pas. Par contre, si elle lit devant sa fille et qu'elle se prosterne, alors sa fille doit se prosterner car elle peut être imam devant sa fille ou pour sa fille. Un enfant qui n'est pas aqil, il n'a pas toute sa raison, il a 5 ans, 4 ans, et il lit un verset comme ça. On se prosterne s'il se prosterne? Non, car il ne peut pas être imam. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il ait la capacité d'être imam en temps normal. Tasihu imamatuhu. Deuxième condition, il faut qu'il se prosterne. Troisième condition, il faut que celui qui écoute, il est dans cet état d'écoute du Coran. Et pas quelqu'un qui a repris ce verset-là à la volée, par exemple. Ou qui n'est pas attentif. Même s'il est dans la pièce. Par exemple, on est ici dans la mosquée. Moi, je suis en train de lire le Coran. Il y a 4 personnes qui m'écoutent attentivement. J'arrive à un endroit où il faut se prosterner. Je me prosterne. Les 4-là se prosternent avec moi. Ils se prosternent avec moi. Imaginons que dans la même pièce, il y a 4 personnes qui sont en train de faire des travaux. Eux ne sont pas attentifs à la récitation. Ceux-là ne se prosterne pas. Cela ne se prosterne pas. Pour ceci, on a des athars. D'ailleurs, le athar de Abdullah ibn Mas'ud, qui était devant un de ses élèves. Et il a dit, قرأت القرآن على عبد الله. J'ai lu le Coran sur Abdullah. Et lorsqu'il dit Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud. وأنا غلام. فمررت بسجدة فقال عبد الله أنت إمامنا. Et lorsque je suis arrivé devant une prosternation, devant un endroit où il fallait se prosterner, Abdullah ibn Mas'ud a dit, tu es notre imam. Dans le sens où, si tu te prosternes, on se prosterne avec toi. Si tu ne te prosternes pas, alors nous te suivons dans ceci. Donc ça, c'est le 7e point. Est-ce qu'il y a des moments où il est interdit de se prosterner? Comme il y a des moments où il est interdit de faire la prière. Non, je vous les rappelle, Inch'Allah, il y a 5 moments dans la journée où il est interdit de prier. 2 à cause de la prière et 3 à cause du temps. Les 2 qui sont à cause de la prière, c'est entre le Fajr, prière du Fajr, dès lors qu'elle a été faite, elle vient justement interdire toute prière après elle jusqu'au lever du soleil. Deuxième temps, du Asar jusqu'au Maghreb. Dès lors que la personne a pris l'Asar, elle s'arrête de prier jusqu'au Maghreb. Ça, c'est les 2 moments où il est interdit de prier à cause de la prière, à cause d'une prière qui a été faite. Fajr ou l'Asar. Il y a 3 autres temps qui sont interdits par le temps lui-même. Quels sont-ils? C'est dès lors que le soleil pointe à l'horizon, c'est-à-dire le Qars, on appelle ça le Qars, c'est-à-dire le disque solaire, lorsqu'il pointe à l'horizon, jusqu'à l'équivalent de 3 mètres au-dessus de l'horizon, qui correspond à peu près à 20-25 minutes, ce qu'on appelle Qaid al-Ramhin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la distance ou la hauteur d'une lance. Donc quand il se lève, on voit la pointe du disque solaire, le haut du disque solaire apparaître. À ce moment-là, il est interdit de prier. Jusqu'à ce qu'il monte à peu près à une hauteur de 3 mètres à vue d'œil, qui correspond à 20-25 minutes. Donc, ce laps de temps-là, il est interdit de prier, malheureusement, fait comme. Surtout lorsque le soleil il commence à pointer. Car c'est un moment où les mouchriquines, les adorateurs du soleil, adoraient le soleil. Donc Allah nous a interdit, et le prophète, de s'apparenter, de s'assimiler aux mouchriquines dans leurs adorations. Ça, c'est le premier. Le deuxième temps qui est interdit pour le temps lui-même, c'est lorsque le soleil est au zénith. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'il culmine dans le point le plus haut dans le ciel. Lorsqu'on a l'équateur, on le définit comme le fait qu'il n'y a pas d'ombre sur les objets. Lorsqu'on a l'équateur. Lorsqu'on n'est pas à l'équateur, si on est dans l'hémisphère nord ou sud, alors c'est le moment où l'ombre est la plus petite. Donc ça, c'est le deuxième temps. Donc le dhuhr, il commence quand? Juste après. Aqimis salata li duluki shams. Accompli la prière au déclin du soleil. Donc ici, c'est le dhuhr, le déclin. Mais lorsqu'il est au zénith, interdit de prier. Et le troisième temps, c'est lorsque le soleil jaunit jusqu'au coucher du soleil. Non, qu'on appelle waqt ad-daruri. On a expliqué tout ça, je me rappelle. Donc ces cinq temps-là, il est interdit de prier. Est-ce que la prosternation de la lecture du Coran est concernée aussi par ceci? Tout dépend comment on se place. Si on considère que c'est une prière, alors on considérera qu'il y a des temps aussi qui sont interdits. Si on considère que c'est pas une prière, alors on peut se prosterner n'importe quand. Enfin, miroir, tout dépend où on se place. Huitième problématique. Lorsqu'on est dans la prière et que j'arrive ou que l'imam arrive, si je suis tout seul ou je suis l'imam, j'arrive à un moment où il y a cette prosternation. Et je me prosterne. Qu'est-ce que je fais après lorsque je me relève? Est-ce que je continue la citation ou alors est-ce que je peux partir en long cours directement? Les deux sont permis. Le problème se pose quand le sujoud il est dans à la fin de la sourate. Par exemple, soit al-najm ou al-alaq. Le sujoud, il est à la fin de la sourate. Alors ici, les savants ont dit qu'il y a trois possibilités. La première, c'est que je pars en prosternation. Puis lorsque je me relève, je lis le Coran de la sourate qui suit ou une autre sourate. Ensuite, je continue ma prière normalement. Ça, c'est un. Deux, je pars en prosternation et lorsque je me relève, je fais Allahu Akbar et je pars en recours. Je pars en inclinaison. Troisième, lorsque j'arrive devant ce verset, je ne me prosterne pas, mais je pars directement en recours. Je pars directement en recours et certains savants, d'ailleurs, c'est ce que dit Cheikh Zayed al-Madkhali, rahmallah tabarak wa ta'ala, il dit notamment, c'est ce qu'on appelle at-tadakhul bayna al-ibadat. C'est-à-dire que certaines ibadat, des fois, elles peuvent prendre la place de l'autre tout en gardant la récompense. Comme par exemple quelqu'un qui rentrerait dans la mosquée, il doit faire tahiyat al-masjid. Mais s'il y a une jama'a qui est en train de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec la jama'a. Lui, il avait l'intention de prier tahiyat al-masjid, mais il ne le prie pas. Pourquoi? Parce que le prophète a dit la salata idha uqimatis salat. Il n'y a pas de prière surrogatoire dès lors que la prière obligatoire a été annoncée. Donc, il sera récompensé de ce tahiyat al-masjid qu'il voulait faire, mais ce qui l'a empêché de le faire, c'est qu'il y avait une jama'a. Pareil ici, il ne va pas se prosterner et ce qui va prendre le lieu de la prosternation, c'est le recours qui viendra par la suite. Les trois avis sont bons et légiférés dans la sunna. Neuvième problématique, certains savants disent que lorsque l'imam prie dans les prières à voix basse et qu'il arrive devant une prosternation, alors il est détestable qu'il se prosterne. Pour quelle raison? Car il va provoquer derrière lui Tashwish, il va créer des problèmes. Parce que les gens, ils vont croire qu'il s'est trompé dans la prière. Ils ne savent pas qu'il se prosterne pour prosternation de la lecture. Ils croient qu'il s'est trompé. Donc ils vont dire Allahu Akbar. Certains vont rester en recours, d'autres vont rester debout, d'autres vont partir avec lui. Au final, il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc certains savants comme Al-Alama Cheikh Rebez, Alhamdulillah, Cheikh Al-Taymin et d'autres savants parmi les anciens, comme Ibn Qudama, c'est dans le Mourni aussi, ils disent que dans les prières à voix basse pour l'imam, ils ne se prosternent pas. D'autres savants disent que il n'y a aucun dalil à ce que ça soit makruh. Il n'y a aucun dalil. Voilà, kulhal, ça c'est l'imam qui doit apprécier la situation et c'est lui qui doit connaître ceux qui prient derrière lui. S'il sait que ça va faire des problèmes, il ne le fait pas, makruh. Ou alors il prend le soin de lire des sourates où il n'y a pas justement de prosternation à faire. Dixième problématique. Lire un verset où il y a la prosternation sur le minbar. Vous allez dire, nous, on n'est pas concerné, on ne monte pas sur Minbar. Si vous êtes concerné, parce que vous allez écouter. Alors, ici, on a le hadith de Omar que je vous ai cité, où il a lu la première semaine sur la Surat An-Nahl, dans laquelle il y a un verset de ce type, et il est descendu en pleine khutba, et il s'est prosterné. Donc, si un jour l'imam fait ça, Inch'Allah, ne soyez pas étonnés, c'est une sunnah. La semaine d'après, pour montrer la largesse qu'il y a dans ceci, il a lu la même sourate, mais il ne s'est pas prosterné, il n'est pas descendu. Il a continué. Et il a dit, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il a dit, إِنَّا لَمُهْرُبِي أَسْتُجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et il a dit, رضي الله تبارك وتعالى عنه, وَقَدْ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ فَلَا نَسْجُدُ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. Et on ne se prosterne que si on veut. Le deuxième point, c'est le mérite de cette prosternation. Le mérite. Premièrement, cette prosternation, min afdalil qulubat. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Donc, n'importe quelle prosternation, que ce soit celle-là, ou celle dans la prière, ou celle du shukr, à ce moment-là, et j'avais expliqué ça la semaine dernière ou il y a deux semaines, à ce moment-là, le serviteur est le plus proche de son Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter pour faire le dua, inshallah. Donc, afdalu wa askal kurubat indallah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose, sababul istijabati dua. C'est une cause pour que le dua soit accepté au regard du hadith que je vous ai cité, où le prophète a dit, amma rukur, fa'adzimu fihi rabbakum. Quant au rukur, grandissez, vénérez votre Seigneur. Amma sujoud, فَدُعُوا رَبَّكُمْ بِمَا تَشَاءُونَ فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Et pendant ce jour, invoquez votre Seigneur, car peu s'en faut que vous ne soyez exaucé. Aussi, cette prosternation, elle vient attirer l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On regarde ce hadith rapporté par l'imam muslim. إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ اسْتَجْدَةً فَسَجَدَ اَعْتَزَرَ الشَّيْطَانِ يَبْكِي. Lorsque le fils d'Adam se prosterne ou lit un verset dans lequel il y a une prosternation et il se prosterne, à ce moment-là, Shaitan s'isole et pleure et dit فَقَدْ أُمِرَ ابْنُ آدَمْ بِسْتُجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَأُمِرْتُ بِسْتُجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ. Le fils d'Adam a était ordonné de se prosterner, il s'est prosterné et il aura le paradis. Quant à moi, j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai refusé et j'aurai le feu de l'enfer. Hadith rapporté par les musulmans. Ce qui nous montre aussi que le fait de se prosterner attire l'agrément d'Allah. Voilà les points importants de ce sujoud. Inch'Allah, pour résumer, afin que on en tire, Inch'Allah, un enseignement notoire. Premièrement, son chokm. À la sur la divergence entre le wujou, entre l'obligation et le recommandé. Le qol sahir, c'est que c'est recommandé seulement. Car des fois le prophète le faisait, des fois il ne le faisait pas. Les compagnons aussi, pareil. Des fois il le faisait, des fois il ne le faisait pas. Ce qui montre que il y a une largesse dans ceci. Deuxièmement, comment est-elle de la même manière que l'on se prosterne dans la prière? Troisièmement, il est préférable d'avoir les ablutions, de se diriger vers la Qibla, et de cacher sa nudité et de respecter de manière générale toutes les autres conditions. Quatrièmement, pour celui qui est sur sa monture, ou celui qui marche et qui ne peut se prosterner par terre, dans ce cas-là, il lui est permis d'incliner la tête. Cinquièmement, on dit les doas que l'on dit dans la prosternation, dans la prière, tout ce qui a été légiféré, car c'est exactement la même prosternation. Sixièmement, concernant celui qui écoute, il ne se prosterne qu'à trois conditions. Un, l'istimar. Il y a une différence entre istamara ou asamira. Samira, c'est écouter. Istamara, c'est écouter avec du qasdin, avec une préméditation. Écouter attentivement. Il faut écouter la récitation. Deuxièmement, il faut que le lecteur se prosterne. Et il faut qu'il remplisse les conditions de l'imam. Si on a rempli ces trois conditions, alors on se prosterne avec lui. Voilà comment c'est cool. Question. Je suis par exemple dans un das où j'explique par exemple plusieurs versets et à un moment donné, je suis amené à lire un verset justement de ce type. Est-ce qu'on se prosterne? Ici, lorsque je lis ce verset, est-ce que je suis dans une lecture du Coran ou une explication? Explication. Non. Donc, c'est pas le même degré. C'est pour ceci que Charles Athémie a été questionné par rapport à ça. On lui a dit, un professeur dans la classe, il est amené à lire des versets comme ça, et à répéter peut-être plusieurs fois le même verset qui implique une soujoud, une prosternation. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le mieux c'est qu'il ne se prosterne pas, car ceci peut être un objet d'amusement et de raillerie. Si à chaque fois il se prosterne, et il fait prosterner tous les élèves avec lui. Imaginez-vous. Il dit seulement, il le fait ainsi, s'il sait qu'il a devant lui des gens bien éduqués qui vont se prosterner et qui vont prendre ça au sérieux. Là oui, s'il les connaît bien. C'est pour ça qu'on dit sujoud et tilawa. On est bien dans une lecture, barakallahu fikoum. On n'est pas dans un tafsir ou autre chose. Ensuite, on a dit awqatun nahy. Des temps où il est interdit de se prosterner. La divergence, elle tient lieu sur quoi, les frères? À savoir, est-ce que cette prosternation est une prière ou non? Est-ce que c'est une prière ou non? Pour ceux qui voient que c'est une prière à part entière, alors il se doit de respecter aussi les temps d'interdiction de la prière. Voilà, qu'on en fait quoi. Ensuite, concernant celui qui, dans sa prière, est-ce que, lorsqu'il arrive à une prosternation qui se trouve à la fin d'une sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il peut descendre directement. D'accord, c'est une solution. Deuxième solution. Sinon, descendre. Oui. Faire le sujoud. Oui. Remonter, dire Allahu Akbar en remontant. Et reprendre normalement. D'accord, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose. La même chose, mais. Il l'a dit le retour derrière. Il fait une autre sourate. Il fait la même chose, voilà, il fait le sujoud, il se relève et il continue la récitation. D'accord. Ce qu'on appelle l'ouas. Jamil. Qu'en est-il de celui qui lit un verset sur le minbar? Qu'est-ce qu'il fait? Comme Omar ibn al-Khattab. Dans le cas où l'imam descend et il se prosterne, que font ceux qui sont derrière? Ils se prosternent avec lui. Pourquoi? Car ils sont obligés de suivre l'imam. Tout simplement. Non? S'il ne se prosterne pas, il ne se prosterne pas. Jamil. Combien d'endroits de prosternation dans le Coran? En fait, il y en a 11 où il y a unanimité. Il y en a 3 qui sont objets à divergence, mais rapportés par des hadiths authentiques. Donc au final, on les intègre. Et un qui a été rapporté par l'Athar, mais qui est authentique aussi. Donc au final, ça fait 15. D'accord? 11 plus 3 plus 1. Ces 15 endroits sont dans les sourates suivantes. La sourate Al-A'raf. La sourate Al-Ra'd, la sourate Al-Nahl, la sourate Al-Isra, Maryam, deux dans le Hajj, Al-Furqan, Al-Naml, Al-Sajda, Al-Sad, ou Sad, Al-Fussilat, Al-Najmu, Al-Inshiqaq, ou Al-Alaq. La 15. Celles qui font unanimité, c'est celles qui sont au début du Coran, sauf la deuxième de Hajj. Donc, la septième, la treizième, la seizième, la dix-septième, la dix-neuvième, la première de Hajj, la première des deux, la vingt-cinquième, la vingt-septième, la trente-deuxième, la trente-huitième, la quarante-et-unième. Ça, elles font l'unanimité, celles-là. Non? Ensuite, on a celles qui sont objets ou sujets à divergence, mais qui ont été rapportés par des chaînes des hadiths authentiques et des chaînes de transmission authentiques. C'est les trois de Mufassal. Qu'est-ce que le Mufassal? Vous vous rappelez? Qui peut me rappeler c'est quoi le Mufassal dans le Coran? C'est vieux. On a vu ça au début de l'année. Le Mufassal, c'est toutes ces sourates où les versets sont très courts, donc souvent interrompus. C'est pour ça qu'on appelle le Mufassal. C'est de surat Qaf jusqu'à la fin. Qaf, surat numéro 50 jusqu'à la fin. C'est ça le Mufassal. Et dans le Mufassal, on a trois parties. Mufassal au Tiwal, Aousat au Mufassal ou Aqisal au Mufassal. Tiwal au Mufassal, c'est de Qaf jusqu'à Amma Yatasa'aloun. Ensuite, on a Aousat au Mufassal de Amma Yatasa'aloun jusqu'à Al-Duha. Aqisal au Mufassal de Al-Duha jusqu'à la fin. Dans ce Mufassal, dans cette partie-là de Qaf jusqu'à la fin, il y a trois moments, trois prosternations qui aussi sont authentiques, où il faut les faire. C'est, donc on a Al-Najm, 53, on a Inshiqaq, 84, et on a Al-Alaq, 96. Il nous reste une, c'est la deuxième prosternation de Al-Hajj. Celle-là, elle a été authentifiée aussi, pas par des hadiths authentiques, mais bil af'al sahaba, par les actes des compagnons, et personne n'a réprouvé ceci. Donc, c'est comme si c'est un ijmar. Donc, au final, on a bien 15 prosternations dans le Coran. 15 prosternations dans le Coran. Une dernière problématique concernant tout ceci. Les savants se posaient la question, lorsque la personne, par exemple, écoute un verset, écoute une récitation, par exemple, ou alors il lit lui-même, il arrive devant ce verset, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se prosterner, n'est-ce pas? Enfin, il est recommandé qu'il se prosterne. Est-ce que s'il est assis, il se prosterne directement, alors d'abord il faut qu'il se lève, puis il se prosterne? En fait, il n'y a pas de texte clair qui viendrait nous dire de faire ceci ou cela. Donc il y a un ijtihad des savants, un effort des savants, pour essayer de sortir une réponse, on va dire, qui tient la route. Alors, celui qui est debout, il n'y a pas de problème. Il se prosterne. Celui qui est assis, il y a deux avis sur ça. Premier avis, c'est que il se prosterne dans l'état où il est. Donc, il est assis, il se prosterne directement. D'autres, comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il rapporte un athar de Aïcha, qui est authentique. Où Aïcha enseigne ceci à ses élèves, lorsque on arrive dans ce genre de prosternation, on se lève d'abord et ensuite on part en sujoud. Pour que le geste symbolique de cette prosternation soit beaucoup plus évident et notoire. Wallahu a'lamu bis-sawab. Non. On va terminer, Inch'Allah, par sujoud al-shukr. Donc c'est beaucoup plus court, Inch'Allah. Il n'y a pas toutes ces problématiques à traiter. Sujoud al-shukr, c'est une prosternation que fait la personne lorsque elle reçoit un bienfait ou alors lorsqu'un préjudice a été repoussé. Donc il se prosterne. Lillahi tabaraka wa ta'ala. En signe de reconnaissance. Donc, quelle est sa légitimité? Mashru'iyyatuha. Sa légitimité, c'est plusieurs hadiths. Notamment le hadith de Ka'b ibn Malik que je vais vous citer ici. C'est pas un hadith, c'est un athar. Vous connaissez tous l'histoire de ceux qui se sont repentis. Les trois qui se sont repentis exactement après la bataille de Tabouk. Parmi eux, Ka'b ibn Malik. Lorsqu'il a reçu la nouvelle qu'Allah a accueilli son repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Sajada, shukra billah. Naam. Wa lam yunkir alayhi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est qui prouve que c'est légitime. Wa lam yunkir alayhi ahadu min al-sahaba. Aucun sahaba ne a réprouvé ceci, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a ce hadith de Abi Huraira qui disait que Ida atahu. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو بشر به غرى ساجدا شاكرا لله. الحديث rapporté par Abu Dawud et authentifié par Cheikh Al-Albani. On disait que lorsque le prophète recevait une bonne annonce ou quelque chose qui le réjouissait, alors il tombait en prosternation à titre de reconnaissance envers Allah. Donc c'est un peu plus clair. De même, lorsque le prophète a reçu la bonne annonce de la conversion de la tribu de Hamdan. Ali lui a donné cette bonne nouvelle. Il a dit, Assalamu ala Hamdan, Assalamu ala Hamdan. Thumma sajada sajdatan. Donc il a dit le salam sur Hamdan et puis il s'est prosterné en titre de reconnaissance. Sallallahu alayhi wa sallam. De même, Abu Bakr s'est prosterné lorsque Musaylimah ibn al-Kadhdhab, le faux prophète, a été tué. Sajada lillah. De même, Ali s'est prosterné lorsqu'il a vu parmi les Khawarij Zastadiyati, celui qui avait l'homme au sein, Stadia, en fait c'était une protubérance de sa peau, et c'est une alama qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali, bien avant, des années avant, il lui dira, tu trouveras chez ces gens-là, ces transgresseurs, un homme qui aura telle et telle caractéristique. Et Ali a vu cet homme-là avec les caractéristiques que lui avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu ça, il a vu que la prophétie s'est réalisée, il s'est prosterné. Shukran lillah. Tout ceci nous montre quoi? Que cette prosternation est légiférée en islam. Et elle est très recommandée aussi. comment elle se fait? De la même manière que la prosternation, de la récitation ou celle de la prière. Non. Par contre, la seule différence qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas légiférée dans la prière, contrairement à l'autre. Non, elle se fait exclusivement qu'en dehors de la prière. C'est exactement les mêmes considérations que toujours de tilawa. Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? Est-ce qu'elle nécessite des ablutions ou non? Est-ce qu'on doit se diriger vers Qibla ou non? Non, voilà. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que les savants, dans leur livre de fiqh, ils lient les deux mas'alas, les deux problématiques ensemble. Comme l'a fait ici l'auteur du livre. Non, il les parle des deux ensemble. Il dit justement, regardez bien, il dit « Hukmu sujoudi shukri ka sujoudi tilawati ». Son statut juridique est, qui est effectivement est le même que celui de la prosternation, de la récitation. Allahu Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.